retour des gilets jaunes, même s'ils me diront qu'ils n'étaient jamais vraiment partis. Un mois, un rond-point, chaque mois, il y a moyen de rejoindre sur un rond-point de Belgique les gilets jaunes. Ils sont déjà passés par Astières, Saint-Tron, cette fois-ci c'est Bruxelles, et le micro ouvert se trouve sur ce rond-point qui s'appelle ce rond-point, le rond-point Rochefort. C'est tout en bas du parc de Forêt, vous voyez, tout en haut de l'avenue du Roi, pas loin de Saint-Gilles aussi. Enfin voilà, c'est un rond-point, quoi, un croisement entre plusieurs endroits. Et en même temps, il y a la manifestation, je le dis parce que voilà, c'est venu plusieurs fois dans le micro, on entend les gens qui vont après à la manif à 15h. Et cette manif, ça s'appelle « Pour la liberté, la démocratie et les droits de l'homme, l'union fait la force ». C'est la deuxième qui se met en place. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est la deuxième manifestation pour la démocratie, la liberté. C'est une manifestation qui se dit européenne. Et il y en avait une, la première, c'était au mois de mai. Elle s'était déroulée au mois de mai. Elle avait été interdite et elle partait du bois de la Cambre. Voilà, comme ça. Bon, revenons aux gilets jaunes, bien que ça fasse partie. Parce que il y a tous les gilets jaunes, j'exagère en disant tout, c'est pas vrai. Les gilets jaunes parlaient beaucoup aussi de cette manifestation-là. Donc le micro ouvert est allé aussi dans cette manifestation après le rassemblement des gilets jaunes au rond-point Rochefort. Voilà, comme ça, je sais pas si c'est plus clair, mais des fois c'est bien d'éclaircir un peu les choses pour bien comprendre. Donc le micro ouvert est au rond-point Rochefort. Et ça papote, et ça discute. Et franchement, des fois on dit n'importe quoi, des fois on se trompe, des fois voilà, on comprend même pas ce que vous dites. Mais ça a au moins le mérite de refaire société, de refaire du lien, de discuter, d'aller dehors, de rencontrer des gens qu'on connaît pas. Et ça, c'est très bien. Il y aura d'autres, il y aura la suite de ce rond-point. On est là. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, je me réveille, le cœur serré, je ne sais pas si ce soir je serai rentrée, une attaque au LBD, une arrestation musclée, mais c'est pas ça qui pourra nous arrêter. Parce qu'on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Il est 13h, ça y est, j'y vais. Rejoindre ma famille qu'on appelle les gilets. Pour défendre notre honneur, on chante la main sur le cœur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Face à vous, vous demandant de bien vouloir vous joindre à nous. On est tous des frères et sœurs, construisons un monde meilleur pour l'avenir de ceux qui seront là après nous. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Voilà, on lâche rien, jamais. Micro ouvert. Oh. Voilà. On est au rond-point. Rond-point. Comment ? Rond-point de Forêt. Rond-point de Forêt ? C'est le parc de Forêt. C'est le parc de Forêt ? Ouais. Mais il est grand le parc de Forêt. On dit le parc du Den aussi. Mais le parc du Den, c'est plus bas. Ah ouais ? Je croyais que c'était plus par là-bas, moi. Moi, je crois que c'est beaucoup plus bas, je pense. Ouais. Bah, en fait, on est là par... Tu connais Barbe Jaune ? Moi, je tutoie facilement. Hein, mais... Du tout. Ah, voilà, voilà. Bah, micro ouvert est là grâce à Barbe Jaune. Et voilà, je vais un peu rencontrer les gens. Barbe Jaune, ça fait penser à Gilets Jaunes. Oui. Hein, et vous, vous êtes gilet jaune? Du tout, du tout. Expliquez-nous alors, hein, qu'est-ce que... J'ai vu un appel sur des groupes et dans lesquels j'étais, voilà. Et quoi, vous avez envie de venir ici au rond-point et être solidaire? Oui, c'est ça. Parce que si, avant d'aller à une autre manif, après. C'est quelle autre manif après? Le cinquantenaire. T'as dit oui, mais c'est laquelle? L'européenne pour contre le pass sanitaire. Ah ouais. Bah, on va essayer d'y aller aussi pour voir. Merci, hein. Bonjour. Je suis un média gentil, il n'y a pas d'image, hein, parce que tu recules de parler. Oui, non, mais on s'en fout du nom, du prénom. Moi, j'aime bien entendre ce que vous avez à dire. Tu vois, on voit rien, on ne sait même pas qui tu es. Moi, c'est un média Radio Campus. Et aussi sur un site qui s'appelle Micro Ouvert. L'émission s'appelle Micro Ouvert et puis c'est diffusé. J'ai travaillé pour Cité 24 et maintenant je travaille pour moi et pour Kairos aussi. Ah oui, Kairos, voilà, je vois bien. Ah ben alors quoi Je vais commencer moi, après. Bon, tu dis ? Je vais faire un live tout de suite. Avec l'image ? Ouais, avec l'image, ouais. Ah ouais, ouais. Avec quoi Là, c'est mon média, INSI TV. INSI TV, Indépendant Citoyen TV. Nouveau, ça ? Ça fait quelques semaines. Ah ben, c'est nouveau. Je l'ai mis en pause, ouais, c'est nouveau. Ouais. Et pourquoi vous avez eu envie de rajouter encore un média en plus ? J'ai collaboré avec deux médias, hein. Je collabore, je suis indépendant en fait. Donc je collabore et je fais mon truc dans mon coin que j'ai mis en pause pendant quelques mois pour collaborer plus avec Cité 24 pendant un moment. Et ben non, je reprends mon indépendance. Et pourquoi ? Pour des conflits personnels. Ah, voilà, voilà, voilà. Et donc on a un média en plus alors dans la... Mais n'ayez pas peur, hein. C'est pas parce qu'on discute. Bonjour. Rien à dire? Bah, c'est pas comme ça qu'on va changer les choses, hein, si on dit rien. Non? Bon. Vous dites? Non, t'as pas grave. Bonjour, comment allez-vous? Ça va. Ça va? Je suis un gentil média. Il hein. n'y a pas de souci, vous avez C'est média alternatif, Radio Campus, l'émission Micro Ouvert. Tous les alternatifs sont bons pour moi. Ah bah voilà. Et quoi? On est au rond-point. Ouais, de Saint-Gilles, oui. Rond-point de Saint-Gilles. Et quoi? Il y a une manif ici alors du coup? Un rassemblement de gilets jaunes, une fois par mois, on se retrouve. On retrouve nos amis. En même temps, on fait de nouvelles connaissances en dehors des gilets jaunes. C'est un lieu d'échange où on se renseigne, où on crée du lien, voilà, tout ça. Mais quoi, c'est un rassemblement une fois par mois, depuis combien de temps? Parce que moi, je pensais que les gilets jaunes, c'était terminé. Non, non, ça n'a jamais terminé, parce que moi, en tant que gilet jaune, c'est le Covid qui a fait que, bien sûr, pour beaucoup de mouvements, on était en stand-by. Mais bon, à travers les réseaux Internet, on était toujours en communication. Mais bon, nous connaissons beaucoup la censure, donc on est pratiquement invisible sur les réseaux. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va reprendre, rallumer le flambeau. La mèche a toujours été là, le flambeau réapparaît. Et alors, ceux qui ont toujours été actifs et ceux qui ont un petit peu lâché par fatigue, parce que chacun a sa vie personnelle, ils reviennent, on se retrouve et entre-temps, on fait connaissance d'autres personnes qui viennent à notre rencontre pour se rendre compte eux-mêmes de ce que c'est un gilet jaune réellement, en dehors de l'image que les médias traditionnels ont montré de nous, quoi. Ah là là, ça me donne envie de poser la... Mais c'est quoi un gilet jaune? Parce que tu dis, c'est quoi? Ben quoi, c'est un gilet jaune? C'est un citoyen en colère qui a compris et qui en a eu ras-le-bol, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on sait bien, c'est le prix du gasoil. Ça, c'était la goutte d'eau. Parce que beaucoup c'est le cas de le dire. Hein. Oui, franchement, oui, c'est le cas de le dire. Ça va? Oui, c'est le cas de le dire. Mais sinon, c'est un citoyen en colère et nous nous sommes rassemblés parce que nous avions compris que nous allions vers... une catastrophe économique et que nous subissons, nous encore, nous, les citoyens. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est toujours les petites gens qui doivent payer. Voilà, ils en ont, enfin, il y en a marre, quoi. C'est ça aussi. C'est ce que j'allais dire. C'est nous, les petites malles, les ouvriers, les employés. Les gilets jaunes, on a un peu de tout, hein, du corps médical. On a aussi des gens qui travaillent dans certaines administrations. Il y a des chômeurs, il y a des gens du CPS aussi. On a de tout, de tout, de tout. Et on a tous constaté, par exemple moi, comment je travaillais à ce moment-là en service public, mon mari travaillait dans le bâtiment, il travaille toujours, et comment malgré nos beaux revenus, on n'arrivait plus à la fin du mois, je parle de ça en 2018, qui a fait que les revendications de gilets jaunes m'ont interpellée, qui a fait que j'ai mis un gilet jaune et que j'ai été les rejoindre. Eux, ils ont commencé le... Mais quand tu dis les rejoindre, parce qu'il y a la Belgique et puis la France. La France a vraiment donné un exemple. Hein. Le boom vient de chez eux. Hein. Parce qu'ici, en Belgique, bon, on a moins parlé des gilets jaunes. Hein. On a été beaucoup censurés, même les médias. Je veux dire, au départ, ils ont parlé des gilets jaunes. C'est à travers RTL TVI que moi, j'ai pu entendre les revendications des gilets jaunes. C'est pour ça que je les ai rejoints, parce que je me suis totalement retrouvée dans ce mouvement-là, en tant que mère frustrée, parce que je ne savais plus donner ce que je pouvais autant à mes enfants, des sports extrascolaires, enfin, tous les plaisirs qu'on pouvait se permettre avant, et que je trouvais totalement injuste, et encore aujourd'hui, que je ne puisse toujours pas me le permettre de leur donner, quoi. Enfin, bon, au départ, dans le courant du mois de novembre, ils nous ont fort médiatisés, et puis après, on a commencé à nous décrédibiliser et puis à nous rendre invisibles. Sinon, ça a pris au moins pratiquement 2 ans aussi, hein, le mouvement de gilets jaunes ici, très actif dans les ronds-points, les actions de nuit, les blocages et tout ça. Mais malheureusement, ils ont plus médiatisé les gilets jaunes français où il y avait plus, c'était l'extrême violence lors des manifestations et tout ça, qui a fait qu'ici, chez nous, en Belgique, En France, ça n'a pas été que violent. Hein. Ça a été... Non. Mais c'est ce que les médias ont raconté. Oui, moi, je suis active en France aussi. Je vais à Paris, j'ai été à Lille aussi. Ça, je le garantis même. Je suis toujours en un morceau. Je n'ai jamais vécu d'extrême violence, qui que ce soit dans les deux camps. Mais heureusement, parce qu'il y a des gens qui ont été défigurés. Mais vraiment, c'était vraiment de la loterie, quoi, parce que la police visait avec leur... LBD. LBD, voilà, c'est ça, merci. Mais donc, le mouvement reprend. Le mouvement à la sortie Covid, machin, allez hop, le mouvement des Gilets jaunes a envie de s'y remettre, quoi. Sur le terrain, en tout cas. Sur le terrain, ça... parce que sinon, en dehors du terrain, on a toujours été actifs. Oui, okay. Moins nombreux, parce que beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, beaucoup de problèmes personnels, tant professionnels que personnels, qui a fait qu'il y en a certains qui ont dû rester dans l'ombre et se reposer aussi, régler leurs propres affaires. Mais ici, on se retrouve, donc c'est reparti. Allez alors, vous avez entendu qu'il y avait aussi une manif à 15h ? Nous les rejoignons après. C'est quoi cette manif-là ? C'est donc la manifestation européenne qui se fait chaque année. Quoi. C'est quoi ça ? Une manifestation européenne qui se fait chaque année. Pour la démocratie. Donc, on revendique nos droits sur nos libertés, notre constitution. Il y a des Hollandais, des Allemands qui viennent. Les Français, je doute un peu, parce qu'ils ont eux-mêmes leur rendez-vous national aujourd'hui à Paris. Donc, je suis en pensée avec eux de tout cœur. On peut savoir votre prénom ou bien vous préférez pas ? Non, moi je suis connue. C'est Mireille, Mireille Dupont. Merci Mireille. Enchantée, franchement. Bon courage à vous. Heureusement que les médias alternatifs existent. Ah ouais, on va en avoir besoin, c'est pas fini. Tiens, tu retrouveras ta parole et aussi celle des autres. Micro ouvert, je connaissais pas, franchement, enchantée. Je partagerai. Merci. À bientôt. Et à mon avis aussi les salafites, mais ça j'ai pas. Bonjour les gens. Bonjour. Je suis un gentil média. Hein. Oui. Ok, média alternatif. Je vous donnerai. Moi, je peux déjà vous donner. Hein. Dac ? Voilà, bah moi, je me prends avec mon micro. Je rencontre la parole des gens. J'aime bien la parole des gens, vous voyez. Je vais sur le terrain. Et là, bah voilà. Barbe jaune. Vous connaissez Barbe jaune ? Oui. Barbe jaune m'a contacté. Et voilà, je suis là pour avec mon micro, quoi. Et j'avais envie d'entendre... Qu'est-ce que vous faites là, vous aussi ? Qu'est-ce que vous faites là ? Moi, je suis là parce qu'il faut être là. On va aller à la prochaine manif aussi contre la dictature qui se met en place. Et le mouvement Gilets jaunes, ben voilà, c'est la lutte de classe. C'est la lutte de classe qui ne date pas d'hier, parce que l'exploitation... Nous, les opprimés, les exploités, on s'est toujours battus. Donc, qu'on appelle ça gilet jaune ou contre le pass sanitaire, ou eux, ils aiment bien nous enfermer dans les prisons. Attention, parce que vous dites eux, mais c'est qui eux ? Eux, c'est... moi, je sais très bien qui c'est, eux et vous aussi. Il y a les bourgeois, les mafieux, hein, nos maîtres. Eux, ils se connaissent bien. Ils sont dans des cénacles secrets ou pas, d'ailleurs. Hein, on connaît tout. Mais il faut pas... C'est pas vrai que... comment dire ? Derrière cette question que tu me poses, c'est... Hein, complotiste ? Eux. Oh non, c'est... non, ne parlez non, pas de quoi. Okay. On bac ce mot. On pas... bac. On... Non. On essaye de faire du média autrement, donc on parle pas comme ça. On bac. Quand on dit eux, moi j'entends bien ce que tu dis quand tu dis eux, c'est l'élite, c'est le pouvoir, c'est celui qui dicte les lois, c'est celui qui nous dit restez chez vous. C'est... Voilà. Hein, c'est pas toi, ni moi, ni vous, là, ici, qui décidez. C'est quand même. Il y a quand même des. Ben parce que l'histoire du mot complotiste, elle est intéressante. Avant, on nous traitait de terroristes, anarchistes et tout ça. Ça sentait la lutte de classe, c'était pas bon. Que là, complotiste, c'est comme s'il y avait une analyse derrière, tu vois. C'est très propre sur soi, quoi. Et tous les cons qui répètent ce mot-là sans savoir ce qu'ils disent. En tout cas, c'est un mot qui a été inventé quelque part et tout, qui a été pensé, qui a été... Faut pas les prendre pour plus cons qu'ils sont, quoi. Quand tu dis « il faut pas les prendre », de qui tu parles? L'élite, comme tu as dit, les bourgeois, écoute, mais même ceux qui se cachent pas, enfin, écoute, Attali, Bill Gates et tout ça, tous nos gouvernants, nos maîtres, Van Rans, tout ça, c'est des gens qui vivent entre eux déjà, ils vivent pas comme nous. Hein. J'adore, ça fait l'anthropologie ici. Ouais. Non, mais c'est... Quelqu'un a envie de. Soyez à l'aise, hein. Ben moi, je suis là parce que je suis gilet jaune. J'avais vu la violence policière en France, donc je suis allé à Lille, qui n'est pas trop loin non plus. Quand ça, l'acte 20, donc ça fait 2 ans et demi, on va dire comme ça. Avant le confinement, en fait, avant. Avant le confinement. Et c'était très bien parce que justement, ce mouvement a fait de sorte qu'on a pu répondre à cette, à mon avis, pandémie, à ces d'éléments qui prouvent que c'était pour faire peur aux gens, pour qu'ils se faire injecter de cette expérimentation qui est quand même fatale pour pas mal d'entre les gens injectés. Et... Là, je m'y perds quand tu parles injecté. Là, j'ai pas... C'est pas une vaccination, c'est une injection expérimentale. Parce qu'une vaccination, moi je suis pas anti-vax, mais j'ai eu tous les vaccins pour mes voyages tropicaux. Et donc, je suis pas anti-vax, mais les vaccins que moi j'ai, des vrais vaccins, tu fais une fois. Excuse-moi vraiment, on parlait des gilets jaunes. Ah oui. Et puis il y a notre ami qui a fait. Ouais, non, j'ai tourné ma tête et j'ai perdu le fil, comment on est arrivé des gilets jaunes. J'ai avancé un peu parce qu'on est dans une réalité en ce moment. Et ça, c'est aussi cette réalité qui me fait bouger. Cette réalité, laquelle ? Cette réalité de la pandémie, que les psychopathes que monsieur appelle l'élite, qui a bien raison, bon, c'est pas une élite non plus, c'est plutôt des marginaux, mais allez, je fonce un peu trop vite, je crois. Mais je viens parce qu'il y a un réel besoin de s'unir et d'être solidaire, parce que la solution, elle est là, c'est décentraliser le pouvoir et prendre le pouvoir en main. Et c'est pour ça que je suis là aussi, pour faire le réseau, pour redevenir humain, et ça se fait entre nous. Ok. Quelque chose à rajouter ? Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différenciation entre la manif qu'il va y avoir tout à l'heure contre le pass sanitaire, ou enfin, donc, contre la situation que le camarade parlait, et les gilets jaunes. Bah, tu parles de la manif au cinquantenaire, parce qu'il y en a qui disent que c'est la marche européenne, pour la démocratie, c'est ça ? Il y en a plein qui appellent avec différentes banderoles, si tu veux. Mais en tout cas, il y a les gens qui sont là. Moi, je suis là à chaque fois. Et quand tu discutes avec les gens, c'est les gens qui en tout cas, réfléchissent, s'engagent, qui posent des actes, même si ça apparaît un petit peu dérisoire, parce qu'effectivement, on est dans les cordes. Hein, ils nous dominent. Ils nous mentent très, très bien. Hein, c'est quand même des... ils sont très forts pour ça. Donc ça, en gros, ça marche. Ceci dit, regarde en Hollande la semaine dernière, regarde là, aujourd'hui en France, à mon avis, ça va chauffer. Et puis, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a en Hollande et En Hollande, vas-y, parle. J'ai bien suivi, 5 septembre, donc dimanche passé, il y avait entre 200 et 250 000 personnes qui fait à peu près 1% de la population. Alors, c'est la masse critique. Et ça, on espère de le voir ici. On sait qu'il y a des Allemands, il y a des Hollandais qui vont venir aussi à Bruxelles. Oh, mais là, on parle de la... Les gars, ça va super. Oui. La manif oui, là-bas en Hollande... C'était contre le... C'était pour la liberté, pour l'amour, pour la démocratie. Le thème... 240 personnes dans la rue, c'est bien ça? C'est énorme. 250 000, donc ils ont 18 millions de gens, donc ça fait à peu près 1%. Tu disais la Hollande et où? En Allemagne aussi? En France aujourd'hui. Ah oui, la France, oui. Ça va oui, chauffer. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une dimension... Nous sommes l'humanité, elle est... C'est eux, hein? Nos chers eux, qui nous ont divisés par pays, ou en Belgique, par région, toi. Mais c'est pas vrai. Le peuple, il est uni. Et ce qui était très fort, en 2019, il ne faut pas oublier qu'il y a deux vagues de lutte mondiale bestiales, quoi. Hong Kong, etc. Et ce qui était intéressant, Algérie, mais un petit peu partout, Amérique latine, Chili, etc. Et ce qui est intéressant, et ce qui leur fait peur, à eux, hein, nos maîtres, c'est que, je me souviens, en Hong Kong et les Gilets jaunes, il y avait des banderoles qui faisaient référence aux luttes des autres. Et quand on commence à se reconnaître en tant que révoltés, rebelles, etc., là, ça devient intéressant. Et ça leur fait peur à eux. Et donc, ils doivent nous cloisonner par hommes, femmes, vaccinés, non vaccinés, flamands, wallons, etc. Exactement. C'est vrai que ce serait trop beau. Ce serait très beau qu'on se remette tous ensemble. Ça serait... J'en aurais des frissons. En tout cas, ça, ce petit autocollant, montre-le au micro. Décris-le. Voilà, c'est un autocollant, donc stop, dictature sanitaire avec une main rouge de sang. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le dictature sanitaire. Donc c'est la dictature tout court, mais avec une prétention sanitaire. Enfin, avec cette dimension-là, elle est très forte, quoi. Ils ont joué sur le fait de faire peur... Parce qu'il n'y a pas de pandémie, hein. Il y a une plandémie, là je suis d'accord avec le camarade. Une plandémie? Une plandémie, bien sûr. Ouais, c'est quoi ça? Mais c'est... Tous nos maîtres complotent depuis des siècles, depuis qu'il y a des puissants, ils complotent contre nous, quoi. C'est pas nouveau, ça, tu vois. Et donc, peur du nombre. Et ils ont peur de nous. Parce que nous ils ont peur du nombre, c'est ça que tu as dit. Nous, si on devient conscient, on a le nombre. Et c'est pour ça qu'ils nous programment avec la télévision et avec l'université, tout ce que vous voulez. J'allais dire un petit détail, tiens, la manif qu'on parle au cinquantenaire, toi tu dis que tu y vas chaque année? Non. Chaque année, j'y viens, non, là, depuis la boum 1. Fin, ah oui, c'est ça que tu veux dire. Oui, puis après, à chaque fois qu'il y a des manifs, j'y vais, quoi, si tu veux, pour ne serait-ce que pour être là, pour discuter, pour, tu vois, pour faire un nombre, pour éventuellement voilà, se renforcer, quoi. Bah, merci à vous. Merci à toi. Hein? Et vous avez envie de donner... Il y a une dame là, mais on ne l'entend pas. C'est dommage. Hein? C'est dommage. Les dames doivent aussi être entendues. Et vous avez envie de donner un nom, un prénom? Non. Non. Eh ben, à plus. Merci. Et ils se mettent une soupière sur la tête. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Bon, comme vous voyez, j'ai un micro, je suis un média. Waouh! Ben voilà, on y est. Hein. C'est chouette parce qu'il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Ouais. Le ciel est gris, mais c'est pas grave. On est bien là, non? Il va pas pleuvoir. Ouais, mais bon, faut pas croire tout ce qu'on dit. Hein. qu'est-ce que vous faites là alors? Qu'est-ce que vous auriez envie de raconter? Donc on est dans le rond-point Gilles Jaune, mais ça je crois que les précédents l'ont déjà expliqué. Ça n'a pas d'importance, racontez ce que vous avez envie. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes bougé un samedi midi Donc moi je suis dans les Gilets jaunes depuis 2 ans et demi, et c'est très important de... Je crois maintenant me souvenir de vous. Vous étiez venu parler... Ouais, c'est... Oui, enfin, il y a 2 mois. Enfin, non, il y a longtemps déjà. Oui, enfin, voilà, mais... Ouais, on s'est sûrement croisé plein de fois, probablement. Et je trouve que c'est important de perpétuer un peu le mouvement et de se retrouver physiquement, ce qu'on n'a pas forcément eu toujours le temps de faire. Bah, avec le confinement et tout ça, ça fait du bien de se retrouver, en gros, c'est ça? Non, déjà ça, mais même avant, au début des Gilets jaunes, on avait des manifestations, mais on n'avait pas... En Belgique, on n'avait pas de rond-point, en fait. On n'avait pas de lieu physique où se retrouver. Et là, le fait d'instituer un rassemblement mensuel, c'est une super idée. Et donc, on retrouve nos anciens camarades, mais à chaque fois, on invite des nouvelles associations, on noue des contacts. Voilà, il y a plein de gens intéressants à chaque fois qui viennent de nouveaux horizons. Et ça, c'est déjà vraiment très intéressant, quoi. Donc, c'est un rendez-vous mensuel. Cette fois-ci, c'est Bruxelles. Les autres fois, c'était où ? Alors, on a déjà fait à la frontière française à Astières, au nord de Bruxelles et à Saint-Tron, voilà. Et donc, on est le 11 septembre aujourd'hui, c'est quand même une date un peu spéciale, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire avec cette date, quoi ? Je suis latino-américain, donc pour moi, le 11 septembre, c'est la prise de pouvoir de Pinochet au Chili. Qui a... 73, ça ? Voilà, en septembre 1973. C'était le 11 septembre ? C'était un 11 septembre et je crois que les terroristes ont fait exprès parce que c'est un coup d'état. Les terroristes du en Amérique, les tours qui sont tombées, c'est ça ? Oui, c'est ça, les terroristes islamistes. Parce que tu dis terrorisme, mais tu sais, on t'est considéré comme terroriste. Soyons clairs dans nos propos parce que sinon on ne comprend plus rien. Tu comprends ? Les auteurs des attentats, voilà, ça va ? Voilà. Oui, c'est vrai que... Comment on dit, moi j'ai un problème avec mon anglais, c'est les towers... Twin Towers. Voilà, Twin Towers. C'est elles qui se sont écroulées, hein. Oui, voilà, donc... on ne sait pas comment ils ont choisi la date, mais il n'est pas impossible de penser qu'ils ont choisi exprès cette date-là, donc qui est une des dates symboles de l'impérialisme américain dans le monde. Et donc les auteurs des attentats, à mon sens, ils protestent surtout sur l'ingérence des Américains partout sur Terre. Donc on a pris beaucoup ce geste comme un geste d'envahir les États-Unis. Non, je crois qu'ils veulent surtout influencer les opinions publiques avec leurs armes que je ne partage pas du tout, évidemment, ni le contenu, mais je veux dire... À la base, le message, c'est dire aux Américains qu'ils arrêtent, quoi. Donc, les attentats en France, en Belgique, en Espagne, c'est le même but, c'est de faire basculer l'opinion publique des pays occidentaux pour qu'ils arrêtent leurs ingérences ailleurs dans le monde, quoi, notamment dans le Moyen-Orient. Oui, et moi, je suis occupée à lire un livre sur le pétrole. Oui, voilà. tu vois, c'est vraiment l'histoire des tout débuts avec le pétrole, quoi. En Arabie Saoudite, enfin, c'est super intéressant. Voilà, au Chili, il n'y avait pas un pétrole, mais là, il y a eu un plan concerté de remettre la main sur toute l'Amérique latine, le plan Condor. C'est un vrai complot, ça a été confirmé par une commission d'enquête du Sénat américain, donc voilà... Et donc, il y a eu des dictatures partout en Amérique du Sud. Moi, je suis né en Uruguay, je suis né en prison. Mes parents étaient en prison quand je suis né, donc voilà. Et à cause de quoi ils étaient en prison ? Ils ont participé, eux, c'était non armé, mais dans la guérilla en Uruguay, les Tupamaros. Et donc, voilà quoi. Et relions tout ça ici au rond-point. Comment tu fais le lien ? Alors, là, je te laisse te débrouiller, hein. Oui, ben pour moi, en fait, le combat des Gilets jaunes, c'est surtout le réveil des peuples contre le néolibéralisme, le réveil final, hein, puisqu'on peut quand même rappeler que la première grande expérience néolibérale, c'est justement le Chili de Pinochet. Donc, peu de temps après son intronisation, il a appelé des économistes formés par Friedman à Chicago pour implémenter le modèle économique au Chili. Ce modèle économique, c'est le tout au privé, comme on connaît, hein, c'est ce que Thatcher, Reagan nous ont seriné et que maintenant l'Union européenne reprend à son compte. Au Chili aussi, ils se rebellent clairement contre ce même modèle. Hein, donc, tout est privé, même les pensions. Constitutionnellement, il est impossible de changer la constitution et d'instaurer des services publics. Hein, donc, les entreprises publiques ont d'office la priorité pour faire ce genre de démarche. Même aujourd'hui, parce que j'ai lu récemment un article qui disait que justement, la constitution était, c'est ce que le peuple demandait à la changer aujourd'hui. Hein. Non, donc au Chili, il y a un processus constitutionnel, donc les gens... Alors je me trompe de pays. Peut-être. Mais pourquoi pas ? En tout cas, il y a un processus constitutionnel en cours. Hein. Donc en fait... Le peuple, il paraît, veut changer la constitution et pour le moment... Voilà, ils sont occupés à plancher là-dessus, parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, ils étaient dans la rue, hein, ils étaient fâchés. C'est ça, voilà. Donc, il y a eu un... je crois que c'était peu de temps... Donc, ça devait être fin 2019. En septembre 2019, il y a effectivement une grande rébellion populaire, on va dire. On a beaucoup vu dans les médias les manifestations et tout ça. Il y a eu des morts. Mais il y a surtout eu... un grand élan d'assemblées constituantes locales partout sur le pays, même dans les bidonvilles. Dans les bidonvilles, il y a des jeunes qui se disaient « Ok, mais comment est-ce qu'on peut changer l'article 1 ?» et tout ça. Donc c'est possible, c'est tout à fait possible. Il y a une initiative maintenant en Belgique pour demander aussi une réforme de la constitution citoyenne. Et donc le peuple s'est rebellé. Bon, au début, le pouvoir a juste envoyé les flics. Mais quand ils ont commencé à faire des grèves dans des secteurs critiques comme les mines de cuivre, qui sont un grand secteur économique au Chili, là, toute la classe politique a pris peur et ils ont concédé un processus constituant. Il y a eu des élections pour la convention, ils n'ont pas voulu ça appeler l'Assemblée constituante, c'est une convention constituante. En avril, il y a eu un tiers des élus sont des citoyens indépendants. Les partis traditionnels, je crois qu'ils ont moins d'un tiers des voix, donc gauche-droite confondue. Le dernier tiers, je crois que c'est des partis alternatifs de gauche, radicaux de gauche, extrême-gauche, tout ça. Et les indigènes aussi. Et donc, effectivement, j'ai été hier à un acte pour justement commémorer la mort de Allende, qui a été tué par Pinochet. C'était le président élu qui était là. Il y a un petit comité en Belgique constituant qui participe à ce processus au Chili. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, donc ils sont au sein d'une commission, coordination européenne. Et donc ils ont été consultés par les constituants chiliens, par la commission des affaires étrangères de la nouvelle convention constituante. Et ils nous ont fait part des travaux et ils nous ont expliqué que, en fait... La phase de consultation est en train d'être finie, c'est que maintenant qu'ils vont vraiment commencer les travaux. Donc c'est peut-être ça que vous avez entendu. Et effectivement, le but, c'est remettre en cause tout cet ordre néolibéral qui a été instauré par Pinochet et sur lequel on n'est pas revenu. Donc Pinochet a écrit sa constitution en 1981 ou 81, et depuis, c'est toujours la même constitution, même si depuis lors, il y a eu un retour aux élections, depuis 30 ans, voilà, c'est une démocratie stable, entre guillemets. Mais donc voilà, il y a eu... Une démocratie stable, j'adore comment tu utilises les mots. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des élections avec la gauche qui est allée au pouvoir. Voilà. C'était bien la merde dans le pays, c'était l'horreur. Quoi. Tu vois, c'est ça, le langage, des fois, on est dans une drôle de manière de... Tu vois ce que je veux dire, démocratie stable, le Chili depuis 30 ans. Mais c'est tout à fait une démocratie stable, en fait. Hein. Donc, en fait, les... Mais ça a été imposé à coup de forcing, à coup de mort, à coup de violence. Enfin, comment on peut parler comme ça? En fait, donc... Bon, on ne va pas discuter non plus. On ne va pas faire une... On va essayer de couper court parce que j'aimerais bien donner la parole aussi à d'autres personnes qui sont là. On s'entend. Quand je dis démocratie, c'est le mot que ce n'est pas une démocratie, mais c'est un système politique stable, tout à fait stable, depuis que Pinochet est parti en 1990. Donc il y a des élections avec des alternances politiques, la gauche est là. Et les gens sont persuadés, c'est le pays le plus prospère d'Amérique latine, le plus riche en tout cas, le PIB. Et les gens sont persuadés qu'effectivement, le libéralisme est indépassable, qu'ils sont en démocratie. Et c'est justement pour ça qu'ils se sont rebellés. Ils ont pris le pouvoir au mot. Ils se sont rendus compte qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas du tout. Et ils ont voulu reprendre vraiment le contrôle de la situation. Les gens. Les gens, voilà. Les peuples. Le peuple. Voilà, comme ici, c'est ce qu'on souhaite, au fond. Hein. On aimerait bien que... Non, mais c'est vrai, on aimerait bien que tous les gens se mettent ensemble, même s'il y a plein de différences, plein de raisons de ne pas être d'acté, les vaccinés, les pas vaccinés, les je sais pas quoi, les gilets jaunes, tu vois, de pouvoir arrêter d'être comme ça dans des cases et de se mettre tous ensemble. Oui, c'est ça. Moi, je crois beaucoup. On n'est pas forcément contre les idéologies structurantes, mais qu'on ait une idéologie ou pas, il faut pouvoir se parler, il faut pouvoir débattre. C'est le plus important. On parle juste avec le cœur, en fait. On a juste des impulsions induites par la publicité et tout ça, mais on n'a plus vraiment de réflexion, on n'a plus vraiment le temps de débat. Les élections, maintenant, ça devient des querelles de chiffonniers, on ne parle plus du fond. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui nous intéresse. Si c'est machin ou truc qui est élu, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils vont faire derrière, quoi. Et donc, c'est de ça qu'on parle aussi dans ces ronds-points. Merci à toi. On peut avoir un prénom ou pas ? Marcos. Marcos, merci Marcos. Oui. Peu d'impact sur l'économie réelle. C'est ça, alors que maintenant, ces impacts-là sont beaucoup plus massifs sur l'économie réelle. Ah ouais, c'est les gens aiment bien causer hein, ici au rond-point. Ça discute politique à fond. Hein. C'est ça, tout à fait. En fait, moi, je viens principalement pour discuter démocratie et discuter d'une modification du système politique en place, puisqu'en fait nous ne vivons pas en démocratie, nous vivons dans un système représentatif, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors la problématique du système représentatif, notamment du mot représentatif, c'est qu'il est polysémique en français, c'est-à-dire qu'il est à la fois... Les gens pourraient se dire, oui, ils sont représentants parce qu'ils représentent la population dans leur ensemble. Mais non, ce n'est pas du tout le cas. Il suffit de voir le nombre d'ouvriers qu'on a au Parlement. Je pense que... Il n'y en a pas. C'est ça. Il y en avait encore un. Pour les gens qui savent pas, si jamais. C'est ça. En fait, il y en avait encore un ouvrier à la précédente mandature, mais il n'y en a plus maintenant. Je crois qu'on est à zéro, totalement zéro cette fois-ci. Et ça va continuer encore et encore. Et donc, la problématique, c'est que ça joue le flou sur le terme de représentation, alors qu'une véritable démocratie serait représentative d'un point de vue panélistique et non pas d'un point de vue légal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos représentants sont nos parents, ce sont nos représentants légaux. Et ce sont les parents politiques, donc ce sont les seuls à avoir la capacité politique d'agir. Nous sommes des enfants politiques, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de vote, contrairement à ce qu'ils essaient de nous faire croire, nous avons le devoir d'élection. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire c'est s'émanciper, c'est s'extraire du devoir de décision et de réflexion. Alors que la démocratie, c'est totalement l'inverse. C'est justement participer à la réflexion et à la décision. Et pas que à la décision, vraiment à la réflexion et à la création d'un modèle et de nouvelles réformes à mettre en place. Parce que la problématique, notamment sur les référendums qu'on nous fait aujourd'hui, on nous dit, bah voyez, vous avez le droit de vote sur les référendums. Alors déjà, ils se comptent sur les doigts de la main. Et quand on a, c'est toujours un référendum à l'initiative du prince. C'est-à-dire que ce sont les pouvoirs en place... Qui décident du contenu. Et c'est ça, qui décide du contenu. Alors, à un moment donné, il parlait de l'heure, du changement d'heure. Et, alors, super, alors, vous êtes pour ou contre le changement d'heure? Alors, il y en avait quand même un politicien qui avait proposé pour la retraite. Mais globalement, on sait très bien ce qui va se passer. Bah, vous êtes pour la retraite à 65 ou à 67 ans? Bah non, moi je la préfère à 60 ans en fait. Donc, et c'est ça la problématique, c'est que du coup, on n'a pas de force de proposition, on n'a que des forces de décision par défaut, où on a de toute façon des politiciens, on a gris ou gris-souris. Donc forcément, ce n'est pas forcément intéressant, puisqu'ils ont tous le même avis sur l'économie. C'est-à-dire que ces gens-là, alors déjà, il y a pour les gens qui seraient de gauche, il n'y a plus de parti de gauche depuis plus de 20 ou 30 ans au gouvernement, ça n'existe plus. C'est toi qui dis ça ou bien c'est un état de fait, que la société dit tout haut? Justement, les politiciens vont vous dire le contraire. Mais, quoi, ils vont vous dire quoi? Que le Parti Socialiste est toujours un parti de gauche, mais le Parti Socialiste, ou même les écolos, ou la CDH, ils sont un peu entre les deux, une espèce de centre-gauche, centre-droite, ça dépend du moment, quand ils veulent se faire bien voir par les sondages, mais ce ne sont pas des gens de gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la problématique de la gauche... Il n'y a plus de gauche aujourd'hui, non ? Il n'y a plus de gauche, mais notamment depuis le... Il n'y a plus de droite non plus ? Il n'y a plus de droite non plus. Il est marrant, le monsieur, de dire ça. Vous êtes de droite ? Moi, je suis, disons, plutôt conservateur, je vais dire, mais je suis totalement pour une démocratie directe. Donc, pour moi, c'est le citoyen qui doit prendre en main son destin. Et donc, c'est à lui à voter les lois, par exemple. C'est à lui à voter les lois, à décider des lois peut-être aussi. Pas nécessairement à décider, à voter les lois. C'est-à-dire que moi je pars d'un principe, j'ai écrit en fait un essai politique là-dessus, où je résume la situation, c'est que le pouvoir législatif devrait appartenir aux citoyens. Donc par un système, par le biais d'un système de votation publique permanent et systématique. Et le pouvoir exécutif, donc les gouvernements, serait géré par des comités de secteur, donc dans lequel on retrouve des gens qui sont des professionnels du domaine en question et des citoyens également qui seraient tirés au sort. Alors, par exemple, si je prends un exemple, la santé, là, ce serait donc du personnel soignant, médecins, infirmières, etc., plus des patients, donc les citoyens. Et eux, pendant 2 ans, par exemple, seraient choisis pour gérer ce secteur-là, feraient des propositions de loi, et c'est aux citoyens, donc par un système de votation publique, à dire d'accord ou rejeter le projet. Et parallèlement à ça, il y aurait un Sénat qui serait avec là uniquement des citoyens tirés au sort. Pour la Belgique, moi je vois 30 personnes, pas plus, 10 flamands, 10 wallons, 5 bruxellois et 5 germanophones. Parce que je vois 4 régions en Belgique. La région flamande, la région wallonne, la région bruxelloise et une région germanique. Donc disparition de la communauté française et des provinces qui servent à rien, ce qui permet une rationalisation et une diminution des moyens publics. Tu opines de la tête ? Bah oui, tout à fait. Il faut supprimer ces communautés. Tu dis ? Il faut supprimer totalement ces communautés qui ne servent à rien, qui ne servent qu'à engager les copains, la famille. Ce ne sont que c'est une petite mafia qui se met en place pour laisser les oncles Links, les Michel et compagnie se mettre des petits postes sur le côté. La communauté ne fait que disperser le pouvoir politique. Il faut pouvoir le recentrer, en fait. En fait, depuis 50 ans, on voit, avec notamment les réformes institutionnelles, la Belgique se crée de plus en plus de structures, de technostructures un peu partout. Ça crée une énorme usine à gaz qui est inefficace et qui est surtout terriblement onéreuse pour les citoyens, pour le contribuable. Mais par contre, c'est très avantageux pour les partis politiques parce que ça leur permet à ce moment-là d'occuper le pouvoir et de placer leurs ouailles. Et le système pour justement créer justement dans les partis les représentants ou les membres du parti, ça passe par un système de cooptation, donc c'est pas du tout un système démocratique. Et donc nous, tous les 5 ans, on vote pour des parlements, pour des parlementaires, mais en réalité, ces gens, d'abord, ils dépendent de ceux qui les ont choisis, qui leur placent sur les listes, hein, et donc ils sont sous dépendance, et de toute façon, c'est les partis qui décident. Moi, j'ai une expérience, parce que j'ai travaillé dans un cabinet ministériel il y a bien longtemps. Combien de temps ? J'ai travaillé 2 ans dans un cabinet. Non, mais il y a combien de temps ? Oh, il y a 30 ans de cela. Et je m'occupais des radios, du secteur des radios. Et du jour au lendemain, j'ai entendu, ah ben voilà, il y a un nouveau secteur, un nouveau réseau, c'était, pour ne pas le nommer, c'était Bell RTL, qui s'est créé. Et alors que moi, j'étais sur ces dossiers-là, je n'étais pas du tout au courant, parce que Bertelsmann, qui est l'actionnaire principal d'RTL, est directement allé voir le boulevard de l'Empereur, et tout s'est négocié à ce niveau-là. Moi, je tutoie facilement. Hein. Ouais, tu veux dire que tout s'est fait en dessous de la table, quoi, c'est ça ? Pas en dessous de la table, mais ça s'est fait au sein des partis. Ce sont les partis politiques qui sont les autour d'un très bon dîner, sans doute, comme chez soi, ou dans des meilleures tables de Bruxelles. Comme la mafia, quoi, c'est ça que tu disais. Hein. Mais c'est un système mafieux. Mais je suis d'accord. C'est vraiment le dîner du siècle, en fait. Tu dis ? C'est le principe du dîner du siècle, en fait, où vous avez tous les journalistes. En France, hein, là ? Oh, oui, mais il n'y a pas que des Français qui sont invités. Hein. Vous avez des grands capitaines d'industrie, des journalistes, des politiciens qui se rassemblent. Ou alors vous avez le Bilderberg, ou certains grands dîners comme ça, vous voyez régulièrement des futurs chefs d'État, notamment Macron, Merkel, etc., etc., qui sont invités un an avant leurs élections. Et après, on met l'appareil médiatique, politique, économique derrière pour vendre une idéologie dominante. Alors que l'avantage d'une démocratie, c'est que justement, ça permet d'avoir une subversion totale et de renverser la table et de ne plus avoir de mainmise de qui que ce soit, puisque nous aurions des politiciens, c'est-à-dire nommés pour très peu de temps, donc ils ne seraient pas professionnels, ils n'auraient pas le temps de s'enraciner. On aurait un contrôle avant, pendant et après, donc avec une reddition des comptes. et on éviterait comme ça la corruption généralisée. Donc évidemment, un mec qui serait chômeur ou qui serait CSP+, mais pas suffisamment pour s'acheter une Jaguar. Quoi, CSP+? Donc ce serait catégorie socio-professionnelle supérieure, on va dire des gens qui gagneraient plus de 2 500, 3 000, 4 000 euros par mois, qui du jour au lendemain, après avoir servi l'État pendant 4 ans, se retrouvent avec des Jaguars et 3-4 villas, on se dirait, bon, il y a peut-être eu un problème, vérifions les lois qu'il a votées, vérifions les lois sur lesquelles il a travaillé, etc. etc. Et donc on se rendrait rapidement compte, la problématique c'est que ces gens-là, bon, déjà ne payent pas d'impôts, donc c'est très difficile de vérifier leur revenu. Nos premiers ministres sont totalement déconnectés, puisque le premier ministre et on a combien, c'est 9 ou 12 vice-premiers ministres, je ne sais plus, gagnent 19 000 euros par mois. Donc alors ça paraît énorme, mais alors ce sont à chaque fois des petits ajouts. Alors je crois que de base ils gagnent, je ne sais plus, c'est 12 ou 16 000 euros, mais en fait en rajoutant les frais de déplacement, en rajoutant tout un tas de petits à côté, ils arrivent à des sommes de 19 000 euros, et c'est ces gens-là qui vont vous dire qu'avec 900 euros, vous pouvez vivre correctement. C'est très très facile dans ces conditions. Et donc ce sont des gens qui sont totalement déconnectés, et c'est pour ça que moi je serais partant déjà d'un tirage au sort. Il ne faut pas du tout avoir peur d'un tirage au sort. Alors ça prendrait du temps pour expliquer les bienfaits du tirage au sort, mais il ne faut vraiment pas en avoir peur, pour que les gens réfléchissent là-dessus. Il n'y a pas eu récemment une tentative comme ça, oui, de tirer. Alors c'est oui, genre, mais vas-y, parle franchement. C'est bidon en fait. Donc c'est un peu pour calmer la population, pour se dire, ah oui, il y a des revendications, donc on fait plaisir, mais au final c'est des gens qui n'auront aucune part à la prise de décision. C'est comme toutes ces petites tirages au sort, ou notamment pour la réforme de l'éducation. Il y a 2-3 ans, la réforme de l'éducation, tous les tirés au sort. Alors déjà, on s'est rendu compte, c'est bizarre, ils avaient tous leurs cartes au MR. Oh, vraiment, vraiment le hasard des choses. Mais vraiment, vraiment. Ben, moi, j'ai des gens qui étaient dans des amis qui étaient professeurs qui vérifiaient le comité, ils se sont rendu compte que c'était tous des gens qui étaient appartés. Alors, soit pas forcément encartés, mais c'était des gens qui étaient encartés ou proches des encartés. C'est quand même assez bizarre quand même. Donc de ce côté, alors je ne sais pas s'ils ont joué par le réseau des syndicats pour voir qui était bleu, qui était rouge, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'était quand même assez particulier. Et notamment, on en parlait quelques minutes avant que tu arrives, il y a 3 mois, ils ont voté une loi pour éviter d'avoir la main citoyenne sur les tirages au sort. Donc c'est-à-dire qu'on n'a plus accès aux listes citoyennes. On ne s'est plus du tout demandé le référencement de la population. Donc ça, c'est quand même assez problématique. C'est-à-dire que demain, on ne pourrait plus organiser une grande assemblée citoyenne constituante pour décider quel serait éventuellement le nouveau modèle économique et le nouveau modèle politique, sanitaire ou quoi qu'est-ce que la population voudrait mettre en place. On ne sait plus le faire parce qu'en fait, on n'a plus accès à ces listes-là. Registre national. Donc ça a été bloqué il y a 3 mois par une loi. Donc tout est fait pour que les politiciens aient la mainmise totale sur l'État. Donc ça, ce sont des dérives totalitaires qui sont en place depuis très très longtemps, mais... Oui. Non, t'inquiète, hein, bah, on discute, mais en même temps, voilà, on va aller là. Mais j'aimerais juste dire, parce que là, on a bien compris que bon, le système politique est pourri. Comment faire pour en sortir? Est-ce que vous croyez que c'est possible d'en sortir? Oui, moi, je pense que c'est... Comment? On a plein d'exemples que c'est possible. La problématique, c'est qu'une fois qu'on renverse la table, il ne faut pas se faire avoir. C'est-à-dire qu'on a des exemples, notamment dans l'Afrique du Nord, en Islande, dans l'Amérique latine, de plein de pays qui ont renversé les gouvernements et qui ont établi des assemblées constituantes. La problématique, c'est que systématiquement, ils font toujours les mêmes erreurs. Première erreur, ils élisent l'assemblée constituante. Donc, ils La population. Donc, ils décident de mettre, notamment en Islande, en Tunisie et même en Amérique latine, dans la plupart des pays de l'Amérique latine, ils élisent l'Assemblée constituante. Ce qui se passe, c'est que ne se présentent que des gens qui ont envie de se présenter. Donc ce sont des politiciens de métier la plupart du temps. Donc c'est pas des politiciens de métier qui vont vous dire, ah bah oui, ok, on va sortir de ce système de corruption. Bah non, évidemment. Ils vont remettre en place. Ils vont remettre en place le même système politique avec des petits ajustements. Mais on veut pas des ajustements, on veut un autre système politique. Donc premièrement, il faut pas élire l'Assemblée constituante. Deuxièmement, il faut surtout qu'elle soit tirée au sort. Et donc le tirage au sort, ça passe justement par le décellage du registre national. Et le décellage, parce que là c'est scellé pour l'instant, c'est vraiment c'est conservé par la mainmise politique. Il faudrait que le citoyen, de manière générale, puisse avoir accès. Alors évidemment, le but c'est pas d'avoir accès aux adresses des gens, à ce qu'ils mangent, etc. C'est juste d'avoir globalement, le numéro de registre national, les noms, et puis on tire au sort dans un système totalement aléatoire. Et derrière, il faut un contrôle. C'est-à-dire, par exemple, en Tunisie, pourquoi ça a mal tourné? Ce sont en fait des élus qui se sont enfermés pendant 6 mois. Les premières mesures, ça a été d'augmenter leur salaire, ça a été de mettre un non, ça a été un non-contrôle de l'Assemblée. Et au bout de 6 mois, ils ont fait, bah voici, c'est ça qu'on propose. Ah, ben non, c'est pas ça qu'on veut. On veut. Alors, en Islande, il y avait eu un travail très intéressant qui s'est mis en place. La problématique, c'est qu'ils ont fait la troisième erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est faire valider le travail par le système en place. Et c'est pour ça qu'en Islande, ils avaient fait une magnifique nouvelle constitution. Alors, moi, ce n'est pas forcément la constitution que j'aurais voulu écrire, mais c'était intéressant. Et bien, le Parlement a dit, oh, bah, on va revoir ça plus tard. Donc, forcément, bah, c'est tombé à plat, parce qu'on ne laisse pas les parlementaires qui... Évidemment, ça les mettra au chômage. Parce qu'évidemment, si vous changez un paradigme, si vous faites un système de tirage au sort de la démocratie, toute cette mafia qui est en place depuis 40 ans, ça les met au chômage. Les Michel, alors on n'aurait pas une quatrième génération de Michel au Premier ministre. Donc forcément, eux, ils vont se dire, bah ouais, mais moi, je pars ma condition, bah, eux, c'est même plus CSP+, c'est CSP+++. Donc forcément, je peux comprendre, hein, ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Et c'est ça, là, ce que ne comprennent pas les gens, c'est que nos politiciens, ce ne sont pas des gens malveillants, des méchants. Non, c'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts que la population. Attends, parce que là, quand tu dis ce ne sont pas des gens malveillants, excuse-moi, mais quand tu regardes un peu comment le monde fonctionne, oui, mais ils sont un peu déconnectés. Mais leur cœur doit bien aussi être... Mais... On leur met la pression également, parce qu'en fait, en réalité, ce sont les représentants non pas des citoyens, mais d'intérêts financiers supérieurs, internationaux notamment. On le voit dans la crise du Covid. Mais là, on est d'accord, qu'est-ce qu'on fait des petits gens, du peuple, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne vivent pas avec eux, en fait. Oui, mais il y a les médias quand même qui sont là, qui disent par exemple, quand il y a eu les gilets jaunes dans la rue, il y a quand même eu... Alors déjà, il faut voir... Qu'est-ce qu'en disent les médias? Les médias en ont très très peu parlé en Belgique, en France beaucoup plus. C'est dingue parce qu'on parle toujours du politique pour dire « Oh, mais c'est des pauvres gens, tu sais, ils sont déconnectés, c'est malgré eux, les pauvres. » Il y a quelque chose que... Non, mais c'est pas une question d'être sympathique. Attends, c'est pas une question d'être sympathique ou pas sympathique, mais c'est toujours un peu les justifier. « Oh, les pauvres, ils sont déconnectés, ils sont... » Alors qu'à un moment donné, tu vois... Allez, parlons par exemple de gens vraiment qui tiennent les rênes du pouvoir. C'est eux qui ont droit ou mort sur la vie de gens. Je veux dire, s'ils prennent une loi ou une mesure, ça va tout de suite influencer le quotidien des gens. Est-ce que tu trouves que là, déjà, il faut être un peu décervelé du cœur, moi, je dis. Tu vois, être un peu un insensible, un psychopathe, quoi. Ce sont des gens qui n'ont pas d'intelligence, pas sentimentale, mais sociale et du cœur. C'est clair, ils sont totalement en dehors de cette conception-là. Mais pour avoir parlé vraiment à des chefs, mais vraiment des très hauts chefs d'entreprise, ces gens-là ne se rendent même plus compte de la réalité de leurs petits employés. Je parlais avec des gens. Ouais, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de s'intéresser. Je pense qu'il y a aussi ça. Il y a clairement ça. Mais je pense que quand on est dans une routine, on va dire d'oppression générale, que ce soit du patronat ou du politique, ils s'en rendent même plus compte. C'est-à-dire que c'est un peu ce que Anna Arendt, je crois, qui parlait de la. Alors j'ai oublié le terme, mais en gros, c'était la normalité du mal. C'est-à-dire que Anna Arendt décrivait très bien ce principe, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans un système où vous oppressez vraiment une population, mais de manière technique et un peu technocratique, vous vous rendez même plus compte de l'absurdité et du mal absolu que vous êtes en train de mettre en place. Ouais. Parce que vous ne voyez ça que d'un point de vue technique. Bah, en tout cas, là, on parle des politiques, mais en fait, on s'en fout, on a bien compris. Enfin, tu vois, c'est ça. Mais comment arriver à faire basculer tous ces gens-là mis en place? Comment? Pour moi, il n'y a pas... Par la force Pas forcément la force. Non, par une prise de conscience. Bah oui. Il y a du boulot, là. Mais non, pas tant que ça. Combien on est, là? Oui, mais pas tant que ça. Pour le moment, non. Mais je pense qu'une fois que les frigos seront vides, les gens vont se réveiller. Mais tu crois que... Et quand est-ce que les frigos vont être vides? Ça va aller très vite. Quand? Dans quelques mois. Ah bon? Ben oui, parce que nous sommes face à une crise économique gigantesque. Ça a déjà commencé, l'hyperinflation commence déjà. Il y a toute une série de produits qui... Il y a plus de 15% par rapport au prix affiché il y a quelques mois. Donc déjà ça. Et puis il va y avoir une pénurie alimentaire, une pénurie de toute une série de produits. Ça a déjà commencé puisque le troisième port mondial, c'est un port en Chine qui est fermé pour cause de Covid. Mais plus aucun bateau ne part. les microprocesseurs qui sont fabriqués à Taïwan, pour le moment, il y a rupture de stock. Mais attends, les microprocesseurs, ça ne se mange pas. Non, mais d'accord. Ça veut dire que... Ça fait trois ans qu'ils sont déjà en rupture de stock. Déjà il y a toute une série de produits, en tout cas, qui ne peuvent plus être réalisés. Les voitures, actuellement, il faut un an pour obtenir... Mais ça, on s'en fout, c'est très bien, non? Oui, non, mais c'est par rapport. Moi, je parlais de l'alimentation. C'est vrai que si les gens ont faim, ils vont aller dans la rue. Attends. Si les gens ont faim, ils vont aller dans la rue. C'est ça. Oui, tout à fait. Mais vous avez bien vu qu'en période Covid, confinement, on a les magasins. Ils n'ont jamais fait autant de thunes, quoi, paraît-il. Mais je pense que de toute façon, il va y avoir une hyperinflation et que par rapport à cela, les gens vont se rendre compte avec une salade à 30 euros que ce n'est pas possible. Par rapport à ce qu'ils gagnent, c'est infernal. Donc si on ne crée pas à côté, et c'est à eux, à chaque citoyen, à créer des solidarités au niveau local pour pouvoir survivre, là, effectivement, ça va être très difficile. Peut-être qu'au niveau rural, ce sera plus facile, parce que les gens peuvent encore avoir un jardin, un potager, etc. Et puis, il y a encore des échanges, des solidarités au niveau local, au niveau rural. Mais en tout cas, en ville, là, ça va être très difficile. Et donc, par rapport à ça, je crois que les gens vont, à un moment donné, prendre conscience de certaines choses, et ça peut les amener, effectivement, à réfléchir, et à nous, alors, à proposer également de nouvelles idées, de nouveaux systèmes, un nouveau paradigme politique. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Okay. On attend alors que les frigos soient vides, hein. D'accord. Conclusion de tout ça ? Il n'y a pas que ça, mais effectivement, le fait que... On conclut, hein. Pour conclure, ouais, non, alors, je dirais... On arrête, parce que je tu passes à d'autres personnes. Non, mais clairement, il faut que... Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients de ce qui se passe, mais qui n'ont pas encore l'esprit à agir. Et il faut juste attendre un déclic. Alors ça peut être justement le fait que les frigos soient vides, le fait qu'il arrive une catastrophe. Mais à un moment donné, il faut créer le déclic chez les gens. Alors soit à nous de le créer, à trouver la manière, la manière un peu sexy de dire aux gens « Hey, levez-vous, c'est bien, regardez, on s'amuse bien, et puis on va renverser le système, et puis voilà. » Mais il faut attendre un déclic, il n'y a rien à faire. On le renverse comment? En étant quoi? Alors, il y a plein d'études. C'est le nombre qui compte? Alors pas forcément, parce qu'il y a plein d'études qui montrent que 3% de la population suffisent à faire tomber un gouvernement. Ouais, les petites minorités agissantes, c'est eux qui finalement... J'adore comment vous êtes bourré de théories comme ça. Mais parce qu'historiquement, c'est le cas. En fait, la Révolution française ou belge, c'est pas... Les gens étaient quand même dans la rue, il y a eu plein de morts. Maintenant. La Révolution belge, parce que ça, c'est une vaste blague. Je connais moins la Révolution belge, je parle de la Révolution française. Il n'y avait pas 10 millions de personnes dans la rue, hein. C'était une petite bourgeoisie qui a affamé la population parisienne et qui a fait en sorte que tout s'enflamme. Par exemple, vous avez... La commune. La commune, c'est pareil. La commune, c'est un petit nombre. C'était pas non plus... Oui, mais il y a eu beaucoup de gens morts. C'était violent, quoi. Entre 20 et 40 000 morts, oui, en 1871. Mais malgré tout, c'est encore une petite minorité. C'est pas tout le pays qui s'enflamme. C'est que la petite population parisienne. Alors, c'est très varié. Hein. C'était pas que des pauvres, hein. Mais c'était une petite partie de la population parisienne. Et il y en avait qui se frottaient les mains, tous les Versaillais qui attendaient le retour de ce salopard de Thiers pour fusiller. Et... Ça durait trois semaines, hein, la commune. C'est un événement gigantesque, puisque le mot communisme vient de commune. C'est un événement qui a vraiment influencé beaucoup, beaucoup de gens. Le grand patronat de l'époque, les maîtres de forge, ont eu très, très peur, parce que c'était véritablement un mouvement insurrectionnel. Et en trois semaines, ils ont été balayés. Oui, mais c'est ça aussi, vous voyez. Il y aura toujours des forces en présence pour garantir l'ordre. Et l'ordre au sens politique du terme. Et donc c'est pas gagné, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clairement pas gagné, mais il suffirait de... Simplement en discutant avec vous, c'est ça que je veux dire. Hein, c'est toujours des si. En discutant avec vous, c'est qu'on peut être bourré de théories, bourré de « il faut faire comme si, on sait très bien comment il faut faire » et là, et d'avoir une analyse très précise des politiques. Comme vous dites, c'est une mafia. Comme vous dites, on est d'accord, mais la question centrale, c'est de dire comment... basculer vers autre chose, quoi. Et là, je pense qu'on ne sait pas vers où on va. On n'en sait rien de comment... Mais non, parce que même si on lançait le mouvement, on ne sait pas comment le mouvement continuerait. C'est-à-dire que même les révolutionnaires, beaucoup de révolutionnaires qui ont lancé le projet à Paris, ça s'en fait couper la tête 3, 4, 5 ans plus tard. Oui, mais il ne faut pas aller si loin. Il y a les gilets jaunes il y a 2 ans avant le confinement. Je veux dire, on sent un mouvement sauvage dans le sens qu'ils ne commencent pas à faire des demandes pour manifester. Hop, ils prennent la rue, ils les ronds-points. Il y a quelque chose de fort qui se passe. Vous voyez, c'est cette voilà. Flamme-là, faut recréer cette flamme-là dans le cœur des gens et leur montrer que c'est possible, qu'on peut agir. Et je pense que le fait de refaire société comme on fait les gilets jaunes, de repartager avec des gens qu'on ne connaissait pas et de rencontrer des gens humainement et d'échanger, ça a fait du bien à beaucoup de personnes. Et je pense notamment après le confinement, je ne serais pas étonné que ça reprenne beaucoup. Alors, en Belgique, peut-être pas, parce que c'est un mouvement qui a toujours été beaucoup moins important qu'en France. Mais comme la Belgique s'inspire souvent de ce qui se passe en France, notamment en termes de manifestations politiques, je ne serais pas étonné que dans les 6 mois, à une année à venir, ça puisse reprendre et que les gens retournent dans la rue et fassent nombre. Ok, merci. Et tu disais que tu as écrit un essai ? Je te l'enverrai. Ah ouais, chouette. Oui, tu l'as. Envoie-moi, ça m'intéresse. Ouais. Bah, tu verras. Tu tapes micro ouvert sur le moteur de recherche et tu tombes. Merci. Hein. Oui, les discussions là. Fou. Ce que notre boulot, c'est de... Mais fatalement, si vous avez un citoyen qui vous agresse, c'est logique, vous vous défendez, c'est logique. Ah ouais, vous aussi, vous êtes là. Bonjour. Bonjour. Ça va les gilets jaunes ? Ça va bien. Hein ? Vous êtes de retour ? Mais moi j'arrive, moi je débarque. J'ai décidé de me joindre à ce groupe parce qu'il y a quelque chose de fort, de profond. Je trouve plus ma place que dans tous les autres petits groupuscules. Et puis bon, la loi citoyenne, le citoyen, ici en Belgique, on est censé être en démocratie. Mais bon, il n'y a rien qui est respecté. Donc je commence à prendre considération de tout ça. Et très honnêtement, ma présence est aussi pour essayer de... Enfin, j'espère pouvoir contribuer au fait que ce pass nazitaire ne passe pas. Alors, voilà, donc... C'est tout nouveau alors quand vous avez décidé de aller maintenant action, je vais dans la rue. Active depuis on va dire fin de l'année passée. Enfin quand je dis fin de l'année passée c'est en décembre donc vraiment fin de l'année passée. Puis je suis passée un petit peu, j'étais un peu électron libre comme ça. Bah, c'est bien aussi hein. Je trouve, oui, et je continue tout en étant gilet jaune et je me suis trouvé des sympathies. Et avec ces sympathies, ce que je trouve extraordinaire, c'est ces sympathies naissent parce qu'on a tous quelque chose vraiment au fond du cœur qui justifie tout ce qu'on fait, qui nous tient unis et qui nous donne envie vraiment d'avancer vers une vraie dictature. Sorry. Ah, je regrette. On efface, erase, vers vraiment quelque chose de au-delà de la démocratie. Moi, mon idée, c'est vraiment de la communauté, du forum citoyen. Il n'y a personne qui dirige, il y a tout le monde qui est invité à donner son avis. C'est vivre vraiment en totale harmonie. C'est ça dont moi j'ai envie. Et puis, surtout, arriver à l'autosuffisance, parce que je me rends bien compte que là, on est mal barré, quoi. Et si la loi Covid Safe Ticket vient à passer le 1er octobre, je ne sais pas comment les choses vont se dérouler parce que c'est une liberté tellement fausse que c'est triste qu'il y ait des personnes qui se pensent libres en ayant un QR, un pass, un vaccin, etc. Quoi. Moi, je ne veux pas qu'on touche à ma peau, je ne veux rien. Je veux juste rester quelqu'un de physique et surtout faire partie de tout ça. Rester quelqu'un de physique, ça veut dire quoi, ça ? Eh bien, une personne qui est, prise en considération. Bon, je me considère comme occupant actuellement, je dirais, une enveloppe terrestre parce que j'ai choisi de venir sur Terre vivre certaines choses, n'est-ce pas ? Dualité, etc. Et je trouve que la période s'y prête particulièrement parce qu'il n'y a pas le bien, il n'y a pas le mal. Je voudrais une égalité. Je voudrais juste qu'il n'y ait plus des personnes qui ne soient pas d'accord ou qui soient d'accord. C'est des concepts dont je n'ai même plus envie. C'est ce qui est important doit être pensé à être pensé à partir de moi d'une manière un peu généralisée pour que tout puisse vraiment fonctionner et aller vers un monde nettement plus équitable, etc. Je me perds, hein. Je me suis perdu là. Voilà. Ouais. Vous, monsieur,